me réveille, je regarde le plafond de ma chambre. La lumière taquine la pénombre et c'est bien. Une journée de merde qui commence. Dites-leur que je ne viendrai pas, qu'on m'amène mon chocolat au lait, qu'on m'amène mon déjeuner au lait, au lit. Je veux aussi des filles qui disent oui. Dites-leur sinon je m'en vais, qu'on s'inquiète des méfaits du soleil sur ma peau, qu'on s'inquiète de mon appétit d'oiseau, que je reste des attentions le centre. Dites-leur que l'univers a un centre.